Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Syrie, Galilée, suite. Césarée, l'ancienne et splendide capitale d'Hérode, n'a plus un seul habitant. Ses murailles, relevées par Saint-Louis pendant sa croisade, sont néanmoins intactes et serviraient encore aujourd'hui de fortifications excellentes à une ville moderne. Nous franchîmes le fossé profond qui les entoure, sur un pont de pierre à peu près au milieu de l'enceinte, et nous entrâmes dans le dédale de pierre, de caveaux entr'ouverts, de restes d'édifices, de fragments de marbre et de porphyre, dont le sol de l'ancienne ville est jonché. Nous fîmes lever trois chacals du sein des décombres qui retentissaient sous les pieds de nos chevaux. Nous cherchions la fontaine qu'on nous avait indiquée, nous la trouvâmes avec peine à l'extrémité orientale de ces ruines. Nous y campâmes. Vers le soir, un jeune pasteur arabe y arriva avec un troupeau innombrable de vaches noires, de moutons et de chèvres. Il passa environ 2 heures à puiser constamment de l'eau de la fontaine pour abreuver 16 animaux, qui attendaient patiemment leur tour, et se retiraient en ordre après avoir bu, comme s'ils eussent été dirigés par des bergers. Cet enfant, absolument nu, était monté sur un âne. Il sortit le dernier des ruines de Césarée, et nous dit qu'il venait ainsi tous les jours, d'environ 2 lieues, conduire à l'abreuvoir les troupeaux de sa tribu, établie dans la montagne. Voilà la seule rencontre que nous fîmes à Césarée, dans cette ville où Hérode, suivant Joseph, avait accumulé toutes les merveilles des arts grecs et romains, où il avait creusé un port artificiel qui servait d'abri à toute la marine de Syrie. Césarée est la ville où saint Paul fut prisonnier, et fit, pour sa défense et celle du christianisme naissant, cette belle harangue conservée dans le 26e chapitre des Actes des Apôtres. Cornelius le centurion et Philippe l'évangéliste étaient de Césarée. Et c'est aussi du port de Césarée que les apôtres s'embarquèrent pour aller semer la parole évangélique dans la Grèce et en Italie. Nous passons la soirée à parcourir les masures de la ville, et à recueillir des fragments de sculptures, que nous sommes obligés de laisser ensuite sur la place, faute de moyens de transport. Belle nuit passée à l'abri de l'aqueduc de Césarée. Route continuée à travers un désert de sable, couvert en quelques endroits d'arbustes et même de forêts de chênes verts qui servent de repères aux Arabes. Monsieur de Parseval s'endort à cheval. La caravane le devance. Nous nous apercevons qu'il est en arrière. 2 coups de fusil retentissent dans le lointain. Nous partons au galop pour aller à son secours, en tirant nous-mêmes des coups de pistolet, afin d'effrayer les Arabes. Heureusement il n'avait point été attaqué, il avait tiré ses 2 coups sur des gazelles qui traversaient la plaine. Nous arrivons le soir, sans avoir rencontré une seule goutte d'eau, près du village arabe de El Mukali. Un immense sycomore, jeté comme une tente naturelle, sur le flanc d'une colline nue et poudreuse, nous attire et nous sert d'abri. Nos Arabes vont au village demander le chemin de la fontaine, on la leur indique, nous y courons tous. Nous buvons, nous nous baignons la tête et les bras. Nous revenons à notre camp, où notre cuisinier a allumé le feu au pied de l'arbre. Son tronc est déjà calciné par les feux successifs des milliers de caravanes qui ont goûté successivement son ombre. Toutes nos tentes et tous nos chevaux sont à l'abri de ces rameaux immenses, Le cheikh de El Mukalli vient m'apporter des melons. Il s'assied sous ma tente et me demande des nouvelles d'Ibrahim Pacha et quelques remèdes pour lui et pour ses femmes. Je lui donne quelques gouttes d'eau de Cologne et l'engage à souper avec nous. Il accepte. Nous avons toutes les peines du monde à le congédier. La nuit est brûlante. Je ne puis tenir sous la tente. Je me lève et vais m'asseoir auprès de la fontaine, sous un olivier. La lune éclaire toute la chaîne des montagnes de Galilée, qui ondule gracieusement à l'horizon, à 2 lieues environ de l'endroit où je suis campé. C'est la plus belle ligne d'horizon qui ait encore frappé mes regards. Les premières branches de lilas de Perse qui pendent en grappes au printemps n'ont pas une teinte violette plus fraîche et plus nuancée que ces montagnes à l'heure où je les contemple. À mesure que la lune monte et s'en approche, leur nuance s'assombrit et devient plus pourpre. Les formes en paraissent mobiles comme celles des grandes vagues qu'on voit par un beau coucher du soleil en pleine mer. Toutes ces montagnes ont de plus un nom et un récit dans la première histoire que nos yeux d'enfants ont lue sur les genoux de notre mère. Je sais que la Judée est là, avec ses prodiges et ses ruines, que Jérusalem est assise derrière un de ses mamelons, que je n'en suis plus séparé que par quelques heures de marche, que je touche ainsi à un des termes les plus désirés de mon long voyage. Je jouis de cette pensée, comme l'homme jouit toujours toutes les fois qu'il touche à un début, même insignifiant, qu'une passion quelconque lui a assigné. Je reste 1 ou 2 heures à graver ces lignes, ces couleurs, ce ciel transparent et rosé, cette solitude, ce silence, dans mon souvenir. L'humidité de la nuit tombe et mouille mon manteau. Je rentre dans la tente, et je m'endors. Il y avait à peine 1 heure que j'étais endormi, quand je fus réveillé par un léger bruit, je me soulève sur le coude, et je regarde autour de moi. Un des coins du rideau de la tente était relevé pour laisser entrer la brise de la nuit. La lune éclairait en plein l'intérieur. Je vois un énorme chacal qui entrait avec précaution et regardait de mon côté avec ses yeux de feu. Je saisis mon fusil, le mouvement l'effraie, il part au galop. Je me rendors. Réveillé 1 seconde fois, je vois le chacal à mes pieds, fouillant du museau les plis de mon manteau, et prêt à saisir mon beau lévrier qui dormait sur la même natte que moi. Charmant animal, qui ne m'a pas quitté 1 jour depuis 8 ans, et que je défendrai, comme 1 part de ma vie, au péril de mes jours. Je l'avais recouvert heureusement d'un pan du manteau, et il dormait si profondément qu'il n'avait rien entendu, rien senti, et ne se doutait pas du danger qu'il courait. 1 seconde plus tard, le chacal l'emportait, et l'égorgeait dans son terrier. Je jette un cri, mes compagnons s'éveillent. J'étais déjà hors de la tente, et j'avais tiré 1 coup de fusil, mais le chacal était loin, et le lendemain aucune trace de sang ne témoignait de ma vengeance. Nous partons aux premiers rayons qui blanchissent les collines de Judée, nous suivons des collines ondoyantes hors de la vue de la mer. La chaleur nous fatigue beaucoup. Et le silence le plus profond règne dans toute la marche. À 11 heures nous arrivons, accablés de soif et de lassitude, près des rives escarpées d'un fleuve qui roule lentement des eaux sombres entre 2 falaises bordées de longs roseaux. Il faut toucher ces eaux pour les apercevoir. Des troupeaux de buffles sauvages sont couchés dans les roseaux et dans le fleuve, et montrent leur tête hors des flots. Immobile, il passe ainsi les heures brûlantes du jour. Il nous regarde sans faire un mouvement, nous traversons à gué le fleuve, et nous atteignons 1 camp abandonné. Ce fleuve est nommé aujourd'hui par les Arachnars et l'Arsouf. L'ancienne Apollonie devait être placée à peu près ici, à moins que sa situation ne soit déterminée par un autre fleuve que nous traversâmes une heure après, et qu'on appelle maintenant Narel Petra. Nous nous étendons sur nos nattes, sous les caves fraîches et sombres qui restent seules de l'ancien camp. À peine étions-nous assis autour d'un plat de riz froid que le cuisinier nous avait apporté pour déjeuner, qu'un énorme serpent de 8 pieds de long, et gros comme le bras, sortit d'un des trous du vieux mur qui nous abritait, et vint se déplier entre nos jambes. Nous nous précipitâmes pour le fuir vers l'entrée du souterrain, il y fut avant nous, et se perdit lentement, en faisant vibrer sa queue comme la corde d'un arc, dans les roseaux qui bordaient le fleuve. Sa peau était du plus beau bleu foncé. Nous répugnions à reprendre notre gîte, mais la chaleur était si forte qu'il fallut nous y résigner, et nous nous endormîmes sur nos selles, sans souci des visites semblables qui pourraient interrompre notre sommeil. À 4 heures après-midi, nous remontons à cheval. J'aperçois sur un monticule, à peu de distance du fleuve, un cavalier arabe, un fusil à la main, et accompagné d'un jeune esclave à pied. Le cavalier arabe semblait chassé, il arrêtait à chaque instant son cheval, et nous regardait défiler avec un air d'incertitude et de préoccupation. Tout à coup il met sa jument au galop, s'avance sur moi, et, m'adressant la parole en italien, il me demande si je ne suis pas le voyageur qui parcourt en ce moment l'Arabie, et dont les consuls européens ont annoncé la prochaine arrivée à Jaffa. Je me nomme, il saute à bas de son cheval et veut me baiser la main. « Je suis, nous dit-il, le fils de Monsieur Damiani, vice-consul de France à Jaffa. Prévenu de votre arrivée par des lettres apportées de Saïd par un bâtiment anglais, je viens depuis plusieurs jours à la chasse des gazelles de ce côté, pour vous découvrir et vous conduire à la maison de mon père. Notre nom est italien, notre famille est originaire d'Europe. Depuis un temps immémorial elle est établie en Arabie, nous sommes arabes, mais nous avons le cœur français, et nous regarderions comme une honte et comme une insulte à nos sentiments. Si vous acceptiez l'hospitalité d'une autre maison que la nôtre. Souvenez-vous que nous vous avons touché les premiers, et qu'en Orient celui qui touche le premier un étranger a le droit d'être son hôte. Je vous en préviens, ajouta-t-il, parce que beaucoup d'autres maisons de Jaffa ont été informées de votre passage par des lettres venues sur le même bâtiment. Et vont accourir au-devant de vous aussitôt que mon esclave aura informé la ville de votre approche. » À peine avait-il terminé son discours, qu'il dit quelques mots en arabe au jeune esclave, et que celui-ci, montant sur la jument de son maître, avait disparu en un clin d'œil derrière les monticules de sable qui bornaient l'horizon. Je fis donner à Monsieur Damiani un de mes chevaux de main qui m'accompagnait sans être remonté, et nous prîmes lentement la route de Jaffa, que nous n'apercevions pas encore. Après 2 heures de marche, nous vîmes, de l'autre côté d'un fleuve qui nous restait à franchir, une trentaine de cavaliers revêtus des plus riches costumes et d'armes étincelantes, et montés sur des chevaux arabes de toute beauté, qui caracolaient sur la plage du fleuve. Ils lancèrent leurs chevaux jusque dans l'eau, en poussant des cris et en tirant des coups de pistolet pour nous saluer, c'étaient les fils, les parents, les amis des principaux habitants de Jaffa, qui venaient au-devant de nous. Chacun d'eux s'approcha de moi, me fit son compliment, auquel je répondis par l'organe de mon drogman, ou en italien pour ceux qui l'entendaient. Ils se rangèrent autour de nous, et, courant çà et là sur le sable, ils nous donnèrent le spectacle de ces courses de Jerry, où les cavaliers arabes déploient toute la vigueur de leurs chevaux et toute l'adresse de leurs bras. Nous approchions de Jaffa, et la ville commençait à se lever devant nous sur la colline qui s'avance dans la mer. Le coup d'œil en est magique quand on l'aborde de ce côté du désert. Les pieds de la ville sont baignés au couchant par la mer, qui déroule toujours la d'immenses lames écumeuses sur des écueils qui forment l'enceinte de son port. Du côté du nord, celui par lequel nous arrivions, elle est entourée de jardins délicieux, qui semble sortir par enchantement du désert, pour couronner et ombrager ses remparts. On marche sous la voûte élevée et odorante d'une forêt de palmiers, de grenadiers chargés de leurs étoiles rouges, de cèdres maritimes aux feuillages de dentelle, de citronniers, d'orangers, de figuiers, de limoniers, grands comme des noyers d'Europe, et pliant sous leurs fruits et sous leurs fleurs. L'air n'est qu'un parfum soulevé et répandu par la brise de la mer. Le sol est tout blanc de fleurs d'oranger, et le vent les balaie comme chez nous les feuilles mortes en automne. De distance en distance, des fontaines turques en mosaïque de marbre de diverses couleurs, avec des tasses de cuivre attachées à des chaînes, offrent leur eau limpide aux passants, et sont toujours entourés d'un groupe de femmes qui se lavent les pieds et puisent l'eau dans des urnes aux formes antiques. La ville élève ses blancs minarets, ses terrasses crénelées, ses balcons en ogives mauresques, du sein de cet océan d'arbustes embaumés, et se détache, à l'orient, du fond blanc de sable qu'étend immédiatement derrière l'immense désert qui la sépare de l'Égypte. C'est près d'une de ces fontaines que nous découvrîmes tout à coup une troisième cavalcade, à la tête de laquelle s'avançait, sur une jument blanche, Monsieur Damiani le père, agent consulaire de plusieurs nations européennes, et l'un des personnages les plus importants de Jaffa. Son costume grotesque nous fit sourire, il était vêtu d'un vieux cafetan bleu de ciel, doublé d'hermine, et serré par une ceinture de soie cramoisie. Ses jambes nues sortaient d'un large pantalon de mousseline sale, et il était coiffé d'un immense chapeau à trois cornes, lissé par les années et imbibé de sueur et de poussière, attestant de nombreux services pendant la campagne d'Égypte. Mais l'excellent accueil et la cordialité patriarcale de notre vieux vice-consulaire étèrent le sourire sur nos lèvres, et ne laissèrent place dans nos cœurs qu'à la reconnaissance que nous lui témoignâmes. Il était accompagné de plusieurs de ses gendres et de ses enfants et petits-enfants, tous à cheval comme lui. Un de ses petits-fils, enfant de 12 à 14 ans, qui caracolait sur une jument arabe, sans bride, autour de son grand-père, est bien la plus admirable figure d'enfant que j'ai vue de ma vie. Monsieur Damiani marcha devant nous, et nous conduisit, au milieu d'une immense population pressée autour de nos chevaux, jusqu'à la porte de sa maison, où nos nouveaux amis nous saluèrent et nous laissèrent aux soins de notre hôte. La maison de Monsieur Damiani est petite, mais admirablement assise au sommet de la ville, et dominant les trois horizons de la mer, de la côte de Gaza et d'Ascalon vers l'Égypte, et du rivage de Syrie du côté du nord. Les chambres sont entourées et surmontées de terrasses découvertes où joue la brise de mer, et d'où l'on découvre, à 10 lieues en mer, la moindre voile qui traverse le golfe de Damiette. Ces chambres n'ont pas de fenêtres, le climat les rend superflues. L'air a toujours la tiédeur de nos plus belles journées de printemps. Un mauvais abat-jour mal joint est le seul rempart que l'on interpose entre le soleil et soi. On partage avec les oiseaux du ciel ces demeures que l'homme s'est préparées, et dans le salon de Monsieur Damiani, sur les étagères de bois qui règnent autour de l'appartement, des centaines de petites hirondelles au collier rouge étaient posées à côté des porcelaines de la Chine, des tasses d'argent et des tuyaux de pipe qui décorent les corniches. Elles voltigeaient tout le jour au-dessus de nos têtes, et venaient, pendant le souper, se suspendre jusque sur les branches de cuivre de la lampe qui éclairait le repas. La famille se compose de Monsieur Damiani père, figure indécise entre le patriarche et le marchand italien, mais où le patriarche prédomine, de Madame Damiani la mère, belle femme arabe, mère de 12 enfants, mais conservant encore dans ses formes et dans son teint l'éclat et la fraîcheur de la beauté turque, de plusieurs jeunes filles presque toutes d'une beauté remarquable, et de 3 fils, dont nous connaissons déjà l'aîné. Les 2 autres furent pour nous de la même prévenance et de la même utilité. Les femmes ne montaient pas dans les appartements. Elles ne parurent qu'une fois en habit de cérémonie et couvertes de leurs plus riches bijoux, et se mirent à table à un seul repas avec nous. Le reste du temps, elles étaient occupées à nous préparer nos repas dans une petite cour intérieure, où nous les apercevions en sortant de la maison et en y entrant. Les jeunes gens, élevés dans le respect que les coutumes orientales commandaient aux fils pour leur père, ne s'asseyaient jamais non plus avec nous pendant le repas. Ils se tenaient debout derrière leur père, éveillés à ce que rien ne manquât aux convives. À peine entrés dans la maison, nous reçûmes la visite d'un grand nombre d'habitants du pays, qui vinrent nous féliciter et nous offrir leurs services. On prit le café, on apporta les pipes, et la soirée se passa dans les conversations, intéressantes pour nous, que notre curiosité provoquait. Le gouverneur de Jaffa, que j'avais envoyé complimenter par mon interprète, ne tarda pas à venir lui-même nous rendre visite. C'était un jeune et bel arabe, revêtu du plus riche costume, et dont les manières et le langage attestaient la noblesse du cœur et l'élégance exquise des habitudes. J'ai peu vu de plus belles têtes d'homme. Sa barbe noire et soignée descendait en ondes luisantes et s'étendait en éventail sur sa poitrine. Sa main, dont les doigts étincelaient d'énormes diamants, jouaient sans cesse dans les flots de cette barbe, et y passaient et repassaient constamment pour l'assouplir et la peigner. Son regard était fier, doux et ouvert, comme le regard de tous les Turcs en général. On sent que ces hommes n'ont rien à cacher. Ils sont francs parce qu'ils sont forts. Ils sont forts parce qu'ils ne s'appuient jamais sur eux-mêmes et sur une vaine habileté, mais toujours sur l'idée de Dieu qui dirige tout, sur la providence qu'ils appellent fatalité. Placez un Turc entre 10 Européens, vous le reconnaîtrez toujours à l'élévation du regard, à la gravité de la pensée imprimée sur ses traits par l'habitude, et à la noble simplicité de l'expression. Le gouverneur avait reçu de Mehmet Ali et d'Ibrahim Pacha des lettres qui me recommandaient fortement à lui. J'ai ces lettres. Je lui en fis lire une autre d'Ibrahim, que je portais avec moi. En voici le sens. Je suis informé que notre ami, ici mon nom, est arrivé de France avec sa famille et plusieurs compagnons de voyage, pour parcourir les pays soumis à mes armes, et connaître nos lois et nos mœurs. Mon intention est que toi, et tous mes gouverneurs de ville ou de province, les commandants de mes flottes, les généraux et officiers commandant mes armées, vous lui donniez toutes les marques d'amitié, vous lui rendiez tous les services que mon affection pour lui et pour sa nation me commande. Vous lui fournirez, s'il le demande, les maisons, les chevaux, les vivres dont il aura besoin, lui et sa suite. Vous lui procurerez les moyens de visiter toutes les parties de nos États qu'il désirera voir. Vous lui donnerez des escortes aussi nombreuses que sa sûreté, dont vous répondez sur votre tête, l'exigera, et si même il éprouvait des difficultés à pénétrer dans certaines provinces de notre domination par le fait des Arabes, vous ferez marcher vos troupes pour assurer ses excursions, etc. Le gouverneur porta cette lettre à son front après l'avoir lue, et me la remit. Il me demanda ce qu'il pouvait faire pour obéir convenablement aux injonctions de son maître, et s'informa des lieux où je désirais aller. Je nommai Jérusalem et la Judée. À ces mots, lui, ses officiers, messieurs Damiani, les pères du couvent de Terre Sainte et Jaffa, qui étaient présents, se récrièrent, et me dirent que la chose était impossible, que la peste venait d'éclater, avec l'intensité la plus alarmante, à Jérusalem, à Bethléem et sur toute la route, qu'elle était même à Ramla, première ville qu'on a à traverser pour aller à Jérusalem, que le pacha venait de mettre en quarantaine tout ce qui revenait de la Palestine. Qu'à supposer que je fusse assez téméraire pour y pénétrer et assez heureux pour échapper à la peste, je ne pourrais peut-être pas rentrer en Syrie de plusieurs mois. Qu'enfin les couvents, où les étrangers reçoivent l'hospitalité dans la Terre Sainte, étaient tous fermés. Que nous ne serions reçus dans aucun, et qu'il fallait de toute nécessité remettre à une autre époque et à une saison plus favorable le voyage que je projetais dans l'intérieur de la Judée. Ces nouvelles m'affligèrent vivement, mais n'ébranlèrent pas ma résolution. Je répondis au gouverneur que, bien que je fusse né dans une autre religion que la sienne, je n'en adorais pas moins que lui la souveraine volonté d'Allah, que son culte à lui s'appelait fatalité, et le mien providence. Mais que ces deux mots différents n'exprimaient qu'une même pensée. Dieu est grand. Dieu est le maître. Allah Karim. Que j'étais venu de si loin, à travers tant de mers, tant de montagnes et tant de plaines, pour visiter les sources d'où le christianisme avait coulé sur le monde, pour voir la ville sainte des chrétiens, et comparer les lieux avec les histoires. Que j'étais trop avancé pour reculer, et remettre à l'incertitude des temps et des choses un projet presque accompli. Que la vie d'un homme n'était qu'une goutte d'eau dans la mer, un grain de sable dans le désert, et ne valait pas la peine d'être compté. Que d'ailleurs ce qui était écrit, et que si Allah voulait me garder de la peste au milieu des pestiférés de Judée, cela lui était aussi aisé que de me garder de la vague au milieu de la tempête, ou des balles des Arabes sur les bords du Jourdain. Qu'en conséquence je persistais à vouloir pénétrer dans l'intérieur et entrer même à Jérusalem, quel qu'en fût le péril pour moi, mais que ce que je pouvais décider de moi, je ne pouvais et ne voulais le décider des autres, et que je laissais tous mes amis, tous mes serviteurs, tous les Arabes qui m'accompagnaient, maîtres de me suivre ou de rester à Jaffa, selon la pensée de leur cœur. Le gouverneur alors se récria sur mes soumissions à la volonté d'Allah, me dit qu'il ne souffrirait pas que je m'exposasse seul au danger de la route et de la peste, et qu'il allait faire choisir, dans les troupes en garnison à Jaffa, quelques soldats courageux et disciplinés qu'il mettrait entièrement sous mon commandement, et qui garderaient ma caravane pendant la marche et mes tentes pendant la nuit, pour nous préserver du contact avec les pestiférés. Il dépêcha aussi à l'instant même un cavalier au gouverneur de Jérusalem, son ami, pour lui annoncer mon voyage et me recommander à lui, et il se retira. Nous délibérâmes alors, mes amis et moi, nos domestiques même furent appelés à ce conseil sur ce que chacun de nous voulait faire. Après quelques hésitations, tous résolurent à l'unanimité de tenter la fortune et de courir la chance de la peste, plutôt que de renoncer à voir Jérusalem. Le départ fut arrêté pour le surlendemain. Nous nous couchâmes sur les nattes et sur les divans de la salle de Monsieur Damiani, et nous nous réveillâmes au gazouillement des innombrables hirondelles qui voltigeaient sur nos têtes dans l'appartement. La journée se passa à rendre les visites que nous avions reçues, au gouverneur et au supérieur du couvent de Terre Sainte et Jaffa, vénérable religieux espagnol qui habite Jaffa depuis l'époque où les Français y vinrent, et qui nous certifia la vérité de l'empoisonnement des pestiférés. Jaffa ou Jaffa, l'ancienne Joppé de l'écriture, est un des plus anciens et des plus célèbres ports de l'univers. Pline en parle comme d'une cité antédiluvienne. C'est là, selon les traditions, qu'Andromède fut attaché au roc et exposé aux monstres marins. C'est là que Noé construisit l'arche. C'est là que les cèdres du mont Liban abordaient par ordre de Salomon, pour servir à la construction du temple. Jonas, le prophète, s'y embarqua 862 ans avant le Christ. Saint Pierre y ressuscita Tabitha. La ville fut fortifiée par Saint Louis, dans le temps des croisades. En 1799, Bonaparte la prit d'assaut, et y massacra les prisonniers turcs. Elle a un méchant port pour les barques seulement, et une rade très dangereuse, comme nous l'éprouvâmes nous-mêmes à notre second voyage par mer. On compte à Jaffa 5 à 6 000 habitants, turcs, arabes, arméniens, grecs, catholiques et maronites. Chacune de ces communions y a une église. Le couvent latin est magnifique, on l'embellissait encore à notre passage, mais nous n'éprouvâmes pas l'hospitalité de ces religieux. Leurs vastes appartements ne s'ouvrirent ni pour nous ni pour aucun des étrangers que nous rencontrâmes à Jaffa. Ils restent déserts, pendant que les pèlerins cherchent avec peine l'abri de quelques misérables camps turcs, ou l'hospitalité onéreuse de quelques pauvres toits de juifs ou d'arméniens habitants de Jaffa. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.